au bac, pas loin de la porte. Je regarde danser les Black Label sur une vieille tonne de dénicheur. Curieux, j'y pense injustement même pas. Étudiant plein de pep, ep, ep, m'ont invité à leur cégep pour aller jouer de la belle musique, zézic, pas pour faire mon grand alcoolique. À gauche, je me pitche sur le stage avec mon autre. Furieux, j'y pense à plus partout. Je suis bien content d'être venu vous voir. Je vous remercie bien pour la grosse bière. J'ai eu